بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة، ليلة ضلت فيها كثير من الأمم من الكفار والمسلمين. Donc on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a réunis et qui nous a rassemblés en cette nuit. C'est quoi ça? Bien que durant cette nuit s'égare énormément de personnes parmi les mécréants, tout comme parmi les musulmans. المسلمين. فكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن هذه الأمة ستتبع ما كان عليه الأمم السابقة أو بعض هذه الأمة. Donc comme vous le savez, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé que une partie de sa communauté n'aura de cesse de suivre les faits et gestes des communautés qui les ont précédées. Comme a déjà fait le hadith Abi Sa'id al-Khudri, wa fihi an ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sa'alu an man yani taqsud. فقال النبي فقالوا اليهود والنصارى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفمن إذا الحديث d'Abi Sa'id al-Khudri. Les compagnons ils ont demandé au prophète sallam, yani tu parles de qui, c'est-à-dire les gens de cette communauté ils vont suivre qui, les juifs et les chrétiens? Et le prophète sallam il leur répond qui d'autre pourront-ils suivre en dehors de cela, pour dire et affirmer que dans cette communauté lil asaf al-shadid on trouvera des gens qui n'auront de cesse de suivre et de s'apparencier au kuffar. Non. Fadi, hadi leila, tu'tabaru min a'yadihim. Wa la yasluh, wa la yajuz li muslimin an i'tada hadi leila 'eidan. Et donc yani cette nuit-là, c'est une nuit qui est considérée comme une fête chez les kuffars. Et il n'est pas permis, il est formellement interdit aux croyants, aux musulmans, de prendre ce genre de jour ou ce genre de nuit comme tel. C'est-à-dire comme des fêtes. فَهَذَا تَشَبُّهٌ بِالْكُفَّارِ فَهَذَا تَشَبُّهٌ بالكفار فهذا تشبه بالكفار ماذا فنحمد الله عز وجل الذي وفق ويسر لنا هذا الجليس أو هذا المجلس الطيب المبارك بإذنه سبحانه وتعالى فاجتمعنا على العلم النافع وعلى توحيده وعلى الإيمان به وهذا فضل. Donc quant à nous, on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a rassemblés dans un acte d'obéissance, qui nous a rassemblés sur son unicité, qui nous a rassemblés sur sa croyance, c'est-à-dire la croyance en Allah Azza wa Jal. وهذا فضل. Et ça c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, car s'il aurait voulu, il aurait garé كثير منا كما ضل الكثير من حولنا. Il aurait égaré parmi beaucoup de gens parmi nous, comme il a égaré énormément de gens autour de nous. فعلينا أن نشكر الله عز وجل، عسى أن يزيد لنا من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Donc on se doit de remercier Allah Azza wa Jal sur ce bienfait, en espérant qu'il nous rajoute. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-ibadatu fil haraj kal-hijrati ilayya kal-hijrati ilayya. Et le prophète sallam dit, le fait de faire une adoration dans une période de trouble, c'est comme faire une immigration vers moi. C'est un tawfiq qu'on se retrouve assis à parler d'Allah, qala Allah, qala Rasul, qala as-sahabatu al-kiram. Donc c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal qu'on se retrouve dans ce genre de nuit où bon nombre de gens s'égarent, que nous on se retrouve à la ta'atillah. Naam. Wa lakum al-hadith al-ma'ruf ladayya al-kathir min. C'est qui peut vérifier? Bismillah. Bismillah. طيب وكما قلت لكم ولكم الحديث أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم هذا سان بيان في انورم الله عز وجل qui nous a accordé ce genre d'assises en cette nuit où se sont égarés énormément de personnes. فعلينا أن نشكر الله عز وجل على ذلك. Et que personne yatahayyab min isbat ma huwa alayhi fi dinih. Et que personne ne doit se retrouver gêné sur le fait d'affirmer sa religion lorsqu'il se trouve face à des gens d'une autre religion. Hada ma huwa min a'yadina. Donc ça, ce n'est pas une de nos fêtes. Donc on doit être ferme sur le fait de ne rien prendre de ce jour ou de cette nuit comme étant une fête. Et de ne pas s'apparencer aux mécréants en cela. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Celui qui s'apparencie à un peuple, il fait partie d'eux. Et tu peux voir dans beaucoup, malheureusement, tu peux voir dans beaucoup de familles de souche musulmane, tu peux voir que maintenant, chez eux, ils fêtent Noël, où ils critiquent les gens qui ne fêtent pas Noël et qui n'offrent pas des cadeaux à leurs enfants. Lakin anta ya ayyuha sunni, la mada, la yadurruk adhalik. Tandis que toi, l'adepte de la sunna, ça ne doit pas te perturber ce genre de choses. بل انت تعرف ما انت عليه من الحق وتعرف ان هذا باطل. Au contraire, toi tu dois savoir et tu dois être sûr de ce sur quoi tu es et que c'est une vérité et que ce sur quoi ils sont c'est un باطل, c'est du faux. نعم وعليك ان تتذكر الآخرة والجنة والنار. Et donc le sunni lui se rappelle l'au-delà. Il n'a de cesse de se rappeler jour après jour l'au-delà. Le paradis, l'enfer ou autre. ويتأمل ويتدبر كتاب الله كقوله في الكفار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. Et les partisans de la sunna, ils lisent le Coran et ils le méditent, comme la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il évoque les mécréants dans le feu de l'enfer. Ils diront: oh Seigneur, certes notre malheur s'est abattu sur nous, c'est-à-dire une fois qu'ils sont rentrés dans l'enfer. Certes, notre malheur s'est abattu sur nous. Et nous faisions partie des égarés lorsque nous étions dans cette dunya. Rabbana, akhrijna minha, fa'in udna fa'inna zalimun. Oh mon Seigneur, fais-nous sortir de... Oh notre Seigneur, fais-nous sortir de cette fournaise, c'est-à-dire de cet enfer. Si nous égarons après que tu nous en aies fait sortir, alors certes, nous serons des injustes. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Périssez, Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre, périssez en son sein, c'est-à-dire dans la fournaise, et ne me parlez plus jamais. Périssez dans la fournaise et ne me parlez plus jamais. Et ça, c'est l'un des plus grands châtiments d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il interdit à son serviteur de lui parler. Wa lamma dhakart hadhi al-aya lil ahl qalat subhanallah madha baqiya in lam tastati' an tad'u rabbak. Ha? Sahih. Madha baqiya? Qu'est-ce qui reste si tu peux pas ou t'as pas le droit d'invoquer Allah Azza wa Jalla? Tu es dans le feu de l'enfer, dans des châtiments شديد, ma min ahad yastati' an yukhrijak illa Allah Azza wa Jalla. ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond, périssez dans, en son sein et ne me parlez plus. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Il y avait certes sur terre un groupe parmi mes serviteurs, un groupe parmi mes serviteurs qui disait, oh mon Seigneur, nous avons cru en toi. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es certes le meilleur de ceux qui font miséricorde. Fattakhadhtumuhum sikhriyan. Vous les avez pris, ces gens-là, ces adorateurs, vous les avez pris en raillerie. Fattakhadhtumuhum sikhriyan. Hatta ansawkum dhikri wa kuntum wa madha. Wa kuntum minhum tadhakun. Vous les avez pris en raillerie jusqu'à ce que vos railleries de ces gens-là vous ont fait oublier mon rappel. Et vous étiez sur eux, vous étiez envers eux moqueurs. Vous vous moquiez de ces gens qui appelaient Allah. Vous vous moquiez de ces gens qui s'accrochaient à leur religion. Vous moquez Dieu. قال بعد ذلك إني جزيتهم اليوم بما صبروا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes aujourd'hui, je les ai récompensés en fonction de ce qu'ils ont enduré. Certes aujourd'hui, je les ai récompensés en fonction de ce qu'ils ont enduré. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. Annahum humul fa'izun. Et certes, aujourd'hui, ce sont eux, ces gens-là qui se sont accrochés, ce sont eux qui ont certes réussi. Naam. Fal-insan yabqa 'ala dini. Yabqa 'ala dini. Sul. La yataharrak 'anhu. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, taraktukum 'ala mithli al-bayda, laylaha ka nahariha. La yazighu 'anha illa halak. Donc l'insan, il doit rester ferme sur sa religion. Naam. Et ne pas tourner à droite et à gauche. Le prophète sallam dit, je vous ai certes laissé sur une voie droite de nuit comme de jour. Personne ne s'en écarte sans qu'il ne court à sa destruction. Naam. Fa ala kulli hal hadhi mudhakaratun ala hadha al-fadl, fadl hadhi al-majlis fi mithli hadhi al-awqat. Donc ça, c'est juste un rappel sur le bienfait de ce genre d'assises dans ce genre de pays et dans ce genre d'époque. Fanahmadullah ala dhalika wa inshallah nadkhul fi darsina kama huwa al-maw'ud. طيب. Bismillahir rahmanir rahim. نحن في أي درس يا صاحب؟ كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. متأكد يا أبا عبد الله؟ متأكد؟ نحن في كتاب التوحيد يا يونس. في كتاب ها لي سي فوندمون. نعم، أصول الستة. نعم. Et c'est qui l'auteur de ce... C'est qui l'auteur de ce livre? Et Abba Abdillah. Hein? Cheikh Yahya. Abba Abdillah, l'homme, allez, hein? Taïb. L'auteur des six fondements, c'est qui, Riyad? Mohammed ibn Abdul Wahhab. Al-Najdi. Al-Imam Al-Mujaddid. Al-Mujahid. إمام الدعوة السلفية في نجد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هل هناك من حفظ المقدمة؟ فحفظها؟ ممكن تقرأها؟ قياما لو سمحت. الحفظ طيب يا إخوة، الحفظ طيب. كل ما تحفظ كل ما يبقى معك المعلومات. وكان السلف يقولون أعلمنا أحفظنا، فلا يعني تفشلون، فلا تفشلون عن الحفظ، بل الحفظ في العلم هو الأصل. ها la mémorisation des choses. Dans la science, c'est une chose, c'est une base importante. Le savant ou l'étudiant en science, il se doit d'avoir un minimum de mémorisation. C'est-à-dire, s'il apprend dans n'importe quelle matière de la science, il se doit d'avoir des choses qu'il mémorise. Les salafs, ils avaient l'habitude de dire que le plus savant parmi nous est celui qui retient le plus. Ou qui mémorise le plus. Tamam? Bien sûr, ça c'est pas le but, ce n'est pas juste de mémoriser. C'est de mettre en pratique le but. Lakin, pour mettre en pratique, parmi les aides que tu vas mettre en pratique, le fait que tu mémorises. Naam. Donc celui qui peut apprendre le maître, fabi wa ni'ma. Wal afdal hiya al mutun al khalisa min kalam al nas. Le mieux, la meilleure des choses qui sont à mémoriser, ce sont les textes qui sont dépourvus des paroles des gens. À l'exception des paroles du prophète alayhi salatu wassalam ou la parole des sahaba. Parce que kullu hadhihi hujja. Tamam? Wa a'zam ma yuhfad kitab Allah. Et la chose la plus énorme et la plus méritoire que le talib al-ilm se doit de mémoriser, ce n'est autre que le livre d'Allah Azza wa Jal. Naam. Fatfaddal ya akhi. Idha hafizta al muqaddima. Fajid lou taqra'a. Papa. Bismillahir rahmanir rahim. Min a'jab al ujab wa akthar al ma'ani. Man man qal? من قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك العلاب ستة أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظنون ثم بعد ذلك غيط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم، إلا أقل القليل. نعم. طيب. Donc ça c'est la petite muqaddima qu'on avait lue la semaine dernière, qu'avait rédigé l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. طيب، هو قال أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الغلاب من أسماء الله يا أخنا عبد الرحمن الغلاب من أسماء الله، الله أعلم. أحسنت. الغلاب الغلاب c'est celui qui a le dessus. C'est comment on dit? Bon, c'est comme le dominateur ou tout puissant. Ouais, c'est un synonyme de ces noms-là. Celui qui domine. Celui qui a le dessus sur toute chose. Tamam? Al-Ghallab. Est-ce que c'est un nom d'Allah? Al-Ghallab. Est-ce que ça fait partie des noms d'Allah? Parce que là, il l'a évoqué. On pourrait croire que c'est un nom, non? Il dit ça montre la puissance d'Al-Malik Al-Ghallab. Al-Malik, c'est un nom d'Allah. Taïb. Lakin Al-Ghallab. Laysa min asma'illah. Ça fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Tamam? Innama dhakarahu huna, innama dhikruhu huna ala sabili khabar. Donc le cheikh là, quand il a évoqué ce nom et qu'il l'a attribué à Allah Azza wa Jal, lui il l'a évoqué juste pour informer sur l'attribut. Sur l'attribut d'Allah, comme quoi il a le dessus. Tamam? Et ça, c'est un attribut qui est sabit. Tamam? C'est un attribut d'Allah qui est sabit. Mais ce n'est pas un nom. Mafoum? Taïb. Taïb, wa inda qawlihi. Et lorsque le mu'allif dit bayanaha Allah ta'ala, lorsqu'il parle des six fondements, et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala les a expliqués avec clarté, c'est-à-dire dans le Coran. طيب قال الشارح وقد قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا وقال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال سبحانه وتعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Donc ça, tous ces versets-là, ils montrent clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce Coran clair et explicite. Clair et explicite. نعم. فما ترك الله سبحانه وتعالى خيرا قط إلا وقد دل عليه خلقه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas délaissé dans le Coran le moindre bien sans que il l'ait indiqué à sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas délaissé dans le Coran le moindre bien sans qu'il l'ait indiqué à sa création. Et c'est quoi la plus grande des choses auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé le plus grand des biens sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala a appelé? Tawhid. نعم توحيده والعقيدة الصحيحة ainsi que le dogme authentique. وما يترتب على ذلك من نعيم وثواب ومن خسارة وعقاب. نعم. طيب. Ensuite, lorsque l'auteur il dit وغلط كثير من أذكياء العالم. Malheureusement, beaucoup de gens ont mal compris ces six fondements. Beaucoup de gens se sont égarés face à ces six fondements. Beaucoup de gens, c'est-à-dire parmi les musulmans. C'est-à-dire tu vas trouver des gens يحفظون القرآن حفظا ويقرؤونه قراءة ليلا ونهارا. لكن لا يتجاوز حناجرهم. Hein, tu vas trouver des gens qui connaissent peut-être le qira'at al-ashr. Ils lisent, ils ont appris le Coran avec les dix lectures. Ils le connaissent d'une manière parfaite, mémorisée, parfaite. Et tu vas le trouver yushrik billah azza wa jalla. Et tu vas voir que malgré tout, il tombe dans le shirk. Comme c'est le cas de beaucoup de soufis. Beaucoup de soufis, certains parmi eux, ils apprennent le Coran, an dhahr al-qalb. Mais tu vois que ils sont là, ils égorgent pour autre qu'Allah, ils font des vœux pour autre qu'Allah, ils se prosternent pour autre qu'Allah, se prosterner pour autre qu'Allah, il y a Abu Abdillah. Il y a juste Mais juste Ah, shirk, naam, shirk. هذا شرك. طيب فعند هذا القول نقول هذه سنة الله عز وجل في خلقه. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Et ça aussi c'est une faïda. Parce que là il a dit la plupart des gens ils ont mal compris ces six fondements. Et ça, il faut savoir que la base dans l'être humain, la base, c'est que la plupart des êtres humains, ils sont dans l'égarement. C'est pas le contraire. Faut pas comprendre que la plupart de l'humanité est sur la vérité. Non, la plupart de l'humanité est dans l'égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat An'am, verset 116, et si tu obéis, la plupart ou le plus grand nombre qui se trouve sur terre, ils s'égareront du sentier d'Allah Azza wa Jal. Qala l'imam al-ma'ruf, Abu al-Fida. Man hu? Abu al-Fida, sahib tafsir. Man hu? Abu al-Fida, sahib tafsir. C'est qui là? On va parler de qui là? Il s'appelle, sa kunya, c'est Abu al-Fida. Et c'est un imam dans le tafsir. Tafsir al-Quran. Hein? Ibn Kathir. Ibn Kathir, sa kunya c'est Abu al-Fida. Abu al-Fida. Et son prénom c'est quoi? Ibn Kathir. Ibn Kathir, yani Kathir, son. Abu. Lakin son prénom c'est quoi? Ismaïl, naam. Ismaïl. Naam. Taïb. Ismaïl ibn Omar ibn Kathir. Taïb. Yaqul fi tafsirih, inda hadhi al-aya. يخبر الله عز وجل عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال. Donc Ibn Kathir dit que Allah subhanahu wa ta'ala il informe dans ce verset au sujet de la situation de la plupart des enfants d'Adam. Et comme quoi ils se trouvent, la plupart d'entre eux ils se trouvent dans l'égarement. Tamam. فأنت يا أيها العبد لا تغتر بالكثرة كثرة الناس وتقول يعني كيف الآن كلهم يتصورون مثلا هذا يدل على يعني استحسان ذلك لا ما هو هكذا طيب donc l'insan il ne doit pas être trompé par le grand nombre. Si tu vois le grand nombre ils sont dans une contradiction avec l'islam ou la sunna, ne suis pas parce que c'est parce que simplement ils sont nombreux. Comme le fait de prendre des photos. Aujourd'hui, lorsque tu vas dire à quelqu'un, tu vas réfuter une personne qui prend des photos, il va dire, oui, mais tout le monde prend des photos. Il va dire, Cheikh Foulan, Cheikh Foulan, Cheikh Foulan, Cheikh Foulan. Hada ma hujja. Ça, c'est pas une preuve que tout le monde fait, alors je fais. Non. La preuve, c'est Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Sunnati Rasulillah. Taïb. فلا يجوز حينئذ الاستدلال بمجرد الكثرة في مسألة من مسائل الدين كما يفعله بعض المبتدعة. Donc à partir de là tu as compris que il n'est pas permis, formellement interdit, de se baser juste sur le grand nombre pour avoir un avis religieux dans un point parmi les points de concernant la religion. Tu dis par exemple il y a 10 savants qui ont dit cette parole là. Alors, khalas, si ils sont 10, ça y est, c'est bon, j'œuvre avec. Vous avez bien compris ce point-là? Taïb. C'est bien compris, Aaron? Taïb. Soal. Al-An, là, si je te viens, je te dis, mais par exemple, Ajma'u sahaba ala kada wa kada. Là, je viens, je te dis, les sahaba, ils se sont tous regroupés, ils sont tous unanimes. Sur le fait de telle ou telle action, c'est une sunna. Là, tu dis quoi? Tu dis, là, on va pas se baser sur le grand nombre. Taïb. Lakin al-an, si toi tu viens, Ou quelqu'un il vient et te dit non, moi je suis pas ça. Toi, tu veux lui dire quoi? Mais Ishaïd, là, toi, tu es en train de dire, on est en train de dire comme quoi on se fie pas juste au grand nom. Tamam? Toi, si tu lui dis ça, il va dire, bah, quand tu me ramènes l'ijma', l'unanimité des savants, on prend pas. Les a'la l'islam. Le prophète, il a dit, ma communauté ne se regroupera jamais tout entièrement sur un égarement. Même si le hadith fait maqal, la base. Non, en fait, il faut que vous compreniez que le but, quand on parle, on dit le fait de ne pas se baser sur le grand nombre, c'est en fait de prendre juste le grand nombre comme dalil. Ça, c'est une khata. Mais si tu prends le grand nombre avec ce qu'ils ont rapporté comme dalil, il n'y a pas de problème. La base. Tamam? Vous avez compris la différence? C'est juste le fait de dire, voilà, comme il y a un grand nombre, khalas. Hada, ça montre que c'est sahih. Hada, ghalat. C'est pas comme ça. Bel, c'est le dalil, tu le prends, tu l'avances, et s'il y a du grand nombre, il y a un grand nombre qui suit ce dalil, là, est-ce que tu les vois? C'est compris ça? Hein? Taïb. Parce que certains mubtadi'a, ils prennent le grand nombre comme un dalil en soi. Par exemple, il va dire, mais la plupart des savants de Misr, ils disent que c'est permis de faire le tawaf autour d'une tombe. Mahouakada. Juste parce que ils voient que la plupart des savants, ils ont dit ça, khalas. Ou la plupart des gens, ils sont sur cette affaire. Alors pour eux, ça va, c'est halal. C'est pas comme ça. Hein? C'est comme s'il y a quelqu'un là, il y a beaucoup, il y a plein de chir, ils disent c'est bien de faire du chir. Adore votre karma. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute ou on l'écoute pas? On regarde s'il a des dalils. On regarde s'il a des dalils. Allez, comme ça là, alors. Non, mais est-ce qu'il aura des dalils? Il n'a pas de dalils. تمام نعم حفظك الله طيب طيب فالكثرة بمجردها لا تدل على صحة الطريق ولا على سلامة المنهج وإنما يدل على ذلك الثبات على الكتاب والسنة donc le grand nombre ça n'indique pas que tu es sur un droit chemin le grand nombre ça n'indique pas que tu es sur un droit chemin ou que tu es dans un bon minhaj. Non. Mais ce qui indique cela, c'est quoi? C'est ton suivi du livre, du kitab et de la sunna. C'est pourquoi même l'imam Shafi'i, il disait, même si je vois quelqu'un qui vole devant moi, même si je vois quelqu'un qui vole devant moi, je ne dirais pas que c'est un allié d'Allah ou que c'est un miracle qu'Allah lui a accordé, jusqu'à ce que je mette ses œuvres face au kitab et la sunna. Jusqu'à ce que je mette ses œuvres face au kitab et à la sunna. Le kitab, c'est le Coran et la sunna, c'est la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. فهذا أمر مهم جدا ينبغي لكل من يدعي السلفية أن يتنبه لمثل ذلك وأن الميزان ليس هو الكثرة فحسب. La balance dans les choses, c'est pas juste le grand nombre. نعم. بل الميزان هو الحق. فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه المسيء. Donc la balance dans les choses, c'est la vérité. C'est le dalil. Kitab sunna. Eh, نعم. أحسنت. كما دي أبو عمران. Dans Sourate Youssouf, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque clairement que la plupart des gens ne sont pas croyants. Naam. La plupart des gens ne sont pas croyants. Donc, si le haq il était avec la plupart ou le plus grand des nombres, alors ce serait dire qu'ils sont le haq est des gens qui ne sont pas croyants. Et ça, c'est mustahil. Et ça, c'est impossible. Naam. ولنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبرة حسنة فإنه كان أمة واحدة Ma'a kawnihi wahidan. Et on a dans l'histoire d'Ibrahim un bon sermon et une bonne exhortation. Car Ibrahim, c'était à lui tout seul une communauté. À lui tout seul. يعني يذكرون بعض المفسرين أن في زمنه ما كان على وجه الأرض مؤمن إلا هو وزوجته ولوط على وجه الأرض. Et regardez que, يعني certains مفسرين disent que à l'époque d'Ibrahim, à un certain moment donné, il n'y avait pas sur terre de gens qui croient en Allah عز وجل autre que lui, son épouse et son Mada et son cousin l'autre. Naam. Et ça montre vraiment que la personne, il se doit de s'accrocher, peu importe le grand nombre qui s'égare, peu importe le grand nombre qui s'égare. Naam. وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته ما كان معه إلا حر وعبد. Et aussi le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a commencé sa da'wah, ils étaient combien lorsqu'ils ont commencé? Il n'y avait pas avec lui, si ce n'est juste un homme libre et un esclave. C'est qui l'homme libre, musulman? Abu Bakr. Et c'est qui l'esclave, Abdel Malik? Bilal. Naam. Fakanu fi qillah, wa ma'a dhalika thabatu, wal haqq kana ma'ahum. Peu importe, ils étaient dans un petit nombre, malgré tout, c'est eux qui avaient le haqq. Naam. Wa kadhalika qissat imam ahli sunnati wal jama'a, Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal, wa ghayrihim min a'immat al-huda. Naam. Et aussi, vous avez l'histoire de Ahmad ibn Hanbal, lorsqu'il a été éprouvé dans l'épreuve de Khalq al-Quran, lorsqu'il a été éprouvé, et que tous les savants de son époque étaient châtiés et éprouvés par un gouverneur afin qu'ils disent que le Coran est créé. Que le Coran est créé. Et cette parole-là, c'est du kufr. Le Coran fait partie des sifats d'Allah, par conséquent, ils ne sont pas créés. Tamam? Et malgré tout, il est resté ferme, bien qu'il était tout seul. Bien qu'il était tout seul, il est resté ferme. Donc le haqq, il était avec lui, même s'il était tout seul. Donc la personne, elle ne doit pas se laisser tromper et ne pas se laisser aussi impressionner par le grand nombre de gens qui contredisent le haqq. Naam. Wa'an al-Hassan. Et ça, c'est un athar jamil. Jamil jiddan. De Hassan al-Basri. Qui dit qala as-sunnah walladhi la ilaha illa hu bayn al-ghali wal-jafi. Ça, c'est un athar jamil. Celui qui peut l'écrire ou qui peut le celui qui peut le noter, qu'il le fasse. قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. Donc Hassan al-Basri dit la sunna, elle se trouve entre l'exagération et la négligence. La sunna se trouve entre l'exagération et la négligence. فاصبروا عليها رحمكم الله. Patientez sur cette sunna. Qu'Allah vous fasse miséricorde. C'est qui parle, ya muslim? Man min al-a'imma? L'imam Ahmed? Ghalat. Man ya Faith? Allah a'lam. Adam. Allah a'lam. Ah, Abdel Malik? Al-Hassan. Hassan al-Basri. Naam. Donc il dit Isbiru alayha rahimakum Allah. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى. Patientez sur la sunna, qu'Allah vous fasse miséricorde. Car certes, les gens de la sunna, les partisans de la sunna, étaient peu nombreux dans les époques précédentes. Ça, c'est le Hassan al-Basri. Hassan al-Basri fait partie des tabi'i, de ceux qui ont suivi l'époque des sahaba. Hatta il a été dit qu'il a, il a allaité de qui? Hassan al-Basri, il a allaité de quelle grande femme parmi les femmes de l'islam? Hein? Oumou Souleym. Là. Mais t'étais pas loin. Hein? Hassan al-Basri, elle était de quelle grande femme de l'islam? أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Et certains, ils ont dit que c'est pour ça qu'il a eu une science et une sagesse impressionnantes. Non. Et ça fait partie des miracles qu'Allah a accordé à Umm Salama lorsqu'elle a allaité, alors qu'elle n'était ni enceinte, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort depuis déjà quelques années. Non. À la kulli hal, cet imam, il dit « Fasbiru alayha rahimakumullah fa inna ahla sunna kanu aqall an-nasi fima mada » Car certes, les gens de la Sunna étaient peu nombreux durant les périodes précédentes. Et ils seront peu nombreux dans les périodes à suivre. C'est Hassan al-Basri. Il te dit ça déjà à son époque. Et ils seront peu nombreux dans les périodes à suivre. Alladina lam yadhhabu ma'a ahli al-itraf fi itrafihim. Hein, ces gens-là, les gens de la Sunna qui ne sont pas partis avec les gens de l'exagération dans leur exagération. Ils ne les ont pas suivis dans leur exagération. Wala ma'a ahli al-bid'a fi bid'ihim. Et ils ne sont pas partis avec les gens de l'innovation dans leurs innovations. Wa sabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum. Fa kadhalika kunu. Et ces gens, les gens de la Sunna, ils ont patienté. Ils ont persévéré dans la pratique de la Sunna jusqu'à ce qu'ils ont rencontré Allah Azza wa Jal. Donc ensuite il dit, soyez comme ceci. Donc c'est un conseil de l'imam Hassan al-Basri. ونستفيد من هذا كله القاعدة السلفية المتينة التي هي أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. Et donc on prend de ce passage qu'on vient d'évoquer une règle, une base, une grande base dans en religion, c'est le fait que la vérité ne se connaît pas et ne s'obtient pas par ce que l'on voit des gens. C'est pas parce que tu as vu ça de la personne que ça y est, c'est un haq. C'est pas parce que la personne a dit ça que c'est un haq. Mais au contraire, le haq, mada, innama yu'rafu ar-rijal bil haq. Mais au contraire, les gens, on les reconnaît par le haq. Les gens, on les reconnaît par le haq. Est-ce que c'est compris ça? Est-ce que c'est compris de tout le monde là, cette parole-là? On ne reconnaît pas le haq par les gens, mais on reconnaît les gens par le haq. C'est compris ça? C'est compris. C'est exactement la même parole que l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i dit, si je voyais quelqu'un qui vole, je ne me dirais pas que c'est un allié d'Allah jusqu'à ce que j'expose ses œuvres au Kitab et la Sunna. Donc toi, tu vas savoir que cette personne-là, elle est sur le haq, pas parce que elle te dit oui, moi je suis sur le haq, ça c'est non, parce que tu poses, tu compares ses œuvres et ses paroles à ce qu'il t'est venu d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Tamam. فالحق هو كلام الله وكلام رسوله نعم طيب وخلاصة هذه المقدمة إعجاب الصالحين من كثرة تمادي الناس في الباطل وإقبالهم على الشرك والبدع والمخالفات الشرعية مع وجود أكبر العلوم وهو القرآن والسنة الصحيحة. Donc, ce qu'on peut retenir de la muqaddima qu'a fait l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est déjà le fait que les gens pieux, ils s'étonnent de voir les gens s'égarer de la sorte. Et ça, il n'y a que les gens pieux. Sinon, beaucoup de gens, ils peuvent voir des égarements à droite à gauche, pour eux ça leur fait ni chaud ni froid. Lakin, celui qui connaît Allah Azza wa Jal, il s'étonne. كيف الله سبحانه وتعالى قد رزقه عقل وسمع وبصر ويذهب ويعبد غير الله ويذهب يكفر بالله هذا سفاه. Le fait d'adorer autre qu'Allah عز وجل, hein, c'est compris, ça sous-entend de l'idiotie. Ça veut dire que toi, la personne qui est À qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé la guidée. Lui s'étonne de voir les gens, aussi nombreux qu'ils sont, partir et choisir le chemin de l'égarement au lieu de choisir le chemin de la guidée, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné la vue, l'ouïe, le aql, la raison, et d'autres parmi ses bienfaits. Et ça, on le prend de quelle parole ça? Hein? L'étonnement? Le fait que le shir, il a commencé dans sa muqaddima par s'étonner. وَإِن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا. L'ayah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète alayhi salatu wasalam en disant que lui-même il s'étonne de l'égarement de son peuple. Na'am. Donc ça, le fait que la personne elle s'étonne, ça montre que son cœur il est vivant. يحس ويتألم من إضلال الناس وتماديهم في الباطل. نعم. طيب. وكذلك parmi les choses qu'on peut retenir de cette مقدمه, عدم الاحتجاج بمجرد الكثره. Le fait que on ne peut pas prendre ou s'appuyer simplement sur le grand nombre. On ne peut pas s'appuyer pour affirmer une chose simplement sur le grand nom. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Le fait de s'appuyer sur le grand nom pour dire que que la personne est sur un haq. À la sabil al-mithal, vous pouvez trouver chez certains mubtadi'a ou certaines personnes qui n'ont peu de science, qui remplissent des mosquées ila kharij al-bab. Ila kharij al-bab. ربما الواحد يرى يقول سبحان الله هذا الكثرة ما يكون إلا على حق. Quelqu'un il peut voir ça et peut dire ouais mais il a rempli toute la mosquée jusqu'à derrière jusqu'à il peut dire mais ça peut venir que parce que c'est du haq. لا يا أخي. C'est pas comme ça. بل اعرض كلامه على الكتاب والسنة. Mais au contraire, toi tu dois prendre ces paroles داعية de ces paroles de ce prêcheur ou autre et tu dois les poser, les comparer au kitab et à la sunna. إن وافق الكتاب والسنة فهو خير ونعمة وبركة ودلالة على توفيق الله له وإن خالفت الكتاب والسنة فهذا وابل عليه. نعم. طيب donc le fait de ne pas prendre, de ne pas s'appuyer simplement sur le grand nombre, ça c'est ce qu'on profite du début de cette muqaddima. نعم. وكذلك هناك يعني شيء مهم important en parlant sur le fait de ne pas se baser sur la sur le grand nombre. تدخل تحت هذه تدخل تحت هذا الامر قاعدة من قواعد اهل الباطل. من قواعد اهل الباطل عدم قبول الجرح الا اذا اجتمع عليه اكثر العلماء. Et rentre aussi dans ce qu'on vient de dire. Une base et une qa'ida, une règle que certains mubtadi'a ont ramené, que certaines personnes de l'égarement ont ramené, et qui dit qu'on ne doit pas prendre la critique, on ne doit pas prendre la critique d'un savant sur un autre, sauf si la plupart des savants ils sont du même avis. Sauf si la plupart des savants ils sont du même avis. Wada qa'idatun battala. وهذه قاعدة بطالة ليس عليها أثارة من علم. Donc ça c'est une règle erronée qui n'est basée sur aucun dalil. Aucun dalil. قال الإمام عثمان بن عبد الرحمن أبو عمر. يعني ابن صلاح. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un imam dans مصطلح الحديث. Dans la science du hadith. Il dit فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى. Donc là, c'est une masala qui est muhimma, que beaucoup de gens, soit ils ont mal compris, soit ils ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle, يعني masala, الجرح مقدم على التعديل أو العكس. Est-ce que lorsque une critique est faite, est-ce que lorsqu'une critique d'un savant est faite vers un autre, vers une autre personne, et que d'autres savants ils font l'éloge de cette personne qui a été critiquée, Là, on doit avancer quoi? Là, on doit avancer la critique ou on doit avancer l'éloge? عندك يا محمد. On avance la critique? طيب. Qui dit pareil? On avance la critique? وانت يا عبد الملك. On avance la critique. أيوة. إذن لو كان هكذا ربما ما وصل الدين إلينا. Si on avance la critique comme ça, sans explication, مجرد, il se peut que même la religion ne sera pas parvenue. Tamam? La critique détaillée. Naam. Le but visé là par Ibn Salah, lorsqu'il dit, parce qu'en fait c'est une masala qui est khilafiyya, où il y a une divergence entre les savants du hadith. Est-ce que si un grand nombre de gens ont fait l'éloge de cette personne, et un savant, juste un seul, il a critiqué, est-ce qu'on prend le grand nombre de savants qui ont fait l'éloge ou on prend la critique? Et Ibn Salah, il évoque que la plupart des savants, ils sont de l'avis qu'on prend la critique. Taïe, maintenant, ce n'est pas la critique globalement. C'est celle, tout d'abord, qui est détaillée. La critique qui est détaillée. Qu'est-ce que ça signifie, une critique qui est détaillée? Par exemple, je dis, Fulan, un tel, c'est un maftoun. Ça, c'est détaillé? Ça, c'est une critique. C'est une critique déjà? Est-ce qu'elle est détaillée? Non. Elle n'est pas détaillée. Tamam. Si je dis, Fulan, maftoun, parce qu'il a uriné debout. Est-ce qu'elle est détaillée? Oui. Naam, elle est détaillée. Ahsan. Enfin, la critique, elle doit être détaillée pour qu'elle passe devant l'éloge. Tamam. Et est-ce que ça, c'est à prendre à la islah? Et est-ce que ça aussi, c'est une règle qui est à apprendre d'une manière absolue? Qu'une fois que le jarh, il est, la critique, elle est détaillée, on doit la prendre. Abdelrahman. C'est pas à prendre dans l'absolu. Elle peut être cassée, la critique. Elle peut être cassée, c'est-à-dire. Annie peut critiquer cette critique. Voilà, ça peut être une critique qui est critiquable. Tamam. Et regardez, Yahya, pour vous dire que les ulama du jarh wa ta'dil, malgré que ce sont des imams, malgré que ce sont des imams, des exemples, des montagnes de piété, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Personne n'est ma'asoum. Personne n'est ma'asoum. Personne n'est préservé si ce n'est le prophète alayhi salatu wassalam. Tamam. Ça, c'est le grand imam Shu'ba, Abu Bistam, qu'on appelait à son époque, hein. C'est l'époque des milliers, des lumières. Et tu vas trouver quelqu'un, il yahfaz yahfaz al-sunnah ou yahfaz al-Quran fi yom. Ça, c'est une époque où les gens, certains salafs, ils pouvaient apprendre le Quran en une journée. C'est une époque où les gens, ils récitaient le Quran en une raka'a. L'époque des trois Quran et le Mufaddala. Donc lui, à son époque, on l'appelait Emir al-Mu'minin fi al-Hadith. Retenez, hein, Shu'ba Abu Bistam. Ça connaît Abu Bistam ou Ismou Shu'ba. Donc Shu'ba, on l'appelait le prince des croyants dans le hadith. Tellement il était fort. C'est-à-dire, lui, quand il parle sur quelqu'un, ça y est, la personne, elle descend directement dans le. Elle descend de. Elle perd de la valeur. Non. Un jour, il est passé devant la porte d'un imam. Il est passé devant la porte d'un imam de son époque. Et il a entendu derrière la porte un instrument de musique. Tamam? Il a entendu derrière la porte un instrument de musique. Il a dit, khalas, al minhal hada, yani, muhtariq dal, ou kalam nahwa, daif. Et à partir de là, il a dit, ouais, yani, al minhal, son prénom c'est le minhal, il est daif. Il est daif. Et il l'a critiqué. Cette critique là, elle est mufassara ou elle est là? Elle est détaillée ou pas? Hein? Non. Mais il a expliqué parce que, en fait, après il explique aux gens pourquoi il l'a critiqué. Il dit voilà, je suis passé devant sa maison Et j'ai entendu de la musique. Voilà. Est-ce qu'elle est détaillée, sa critique? Non, elle est détaillée. Non, mais quoi? Ça, c'est une critique détaillée. Taïl, est-ce que ça, cette critique, on la prend? On la prend pas. On la prend pas, même si c'est Amir al-Mu'minin fil hadith. Même si c'est le prince des croyants dans le hadith. Shu'ba Abu Bistam. On la prend pas. Pourquoi? Même des gens de son époque. Des gens de son époque et les salafs, les imams du hadith qui sont venus après, ils ont critiqué Shu'ba pour ça. Certains lui ont dit, pourquoi tu l'as pas demandé? Pourquoi tu l'as pas posé la question? Est-ce que tu l'as posé la question à cette personne-là? Ça, c'est les gens de son époque. Shu'ba, il répond non. Ramat. Khata. Tahsul. Il lui a pas demandé. Ça se trouve, c'était quelqu'un d'autre. Ça se trouve, c'est quelqu'un de sa famille. Ça se trouve, c'est... Et lui, il est pas au courant. Tamam. Fahada, yani, c'est un jarh qui a été mardoud. Comme la critique de certains imams qu'ils ont fait à l'imam al-Bukhari. Et la mise en garde qu'ils ont fait de l'imam al-Bukhari. Donc ils ont fait l'imam, ils ont mis en garde contre l'imam al-Bukhari. Mais l'imam muslim, il n'a pas apprécié. Il n'a pas accepté cette mise en garde. Non. Enfin, c'est pas toute personne ou tout alim qui fait une mise en garde critiquée, détaillée, que ça y est, on doit prendre cette mise en garde et l'avancer à la nas. Comme t'entends de beaucoup de hizbiyin, maftounin, ah, fulan a takallam, khalas, fassar, jarh, mufassar, muqaddam ala ta'dil, ya akhi miskin, hada, yani qawa'id, hada, dawabit, ma hu hakada. Non. Taïb. Donc, hadi, faqat al-muqaddimah. المقدمة بقي خمس دقائق فسنخليها للأسئلة وجزاكم الله خيرا. Donc inchallah ça c'est on a terminé avec la muqaddima du cheikh.